Chapitre 8 du livre d'Esther de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, ennemi des Juifs, et Mardochée fut présenté au roi, car Esther lui avait avoué qu'il était son oncle. Et le roi ôta son anneau qu'il avait fait reprendre à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, fit Mardochée intendant de sa maison. Et non contente de cela, elle se jeta aux pieds du roi et le conjura avec larmes d'arrêter les effets de la malice d'Aman l'Agagite et de ses machinations odieuses qu'il avait ourdies contre les Juifs. Et le roi lui tendit de sa main son sceptre d'or pour lui donner, selon la coutume, son signe de clémence. Et elle, se levant, se tint devant lui et dit, « S'il plaît au roi, et si j'ai trouvé grâce devant ses yeux, et si ma prière ne lui paraît pas inconvenante, je le conjure de révoquer par de nouvelles lettres les anciennes lettres d'Aman, persécuteur et ennemi des Juifs, par lesquels il avait ordonné de les faire périr dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je souffrir la mort et le carnage de mon peuple ? » Et le roi Assuérus répondit à la reine Esther et au juif Mardochée, « J'ai donné à Esther la maison d'Aman, et je l'ai fait attacher lui-même à une croix, parce qu'il avait osé porter la main sur les Juifs. Écrivez donc aux Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez les lettres de mon anneau. Car c'était la coutume que nul n'osait s'opposer aux lettres qui étaient envoyées au nom du roi et scellées de son anneau. » On fit donc venir les scribes et les écrivains du roi. C'était alors le troisième mois, appelé Siban. Le 23e jour de ce même mois, les lettres furent écrites, comme Mardochée le voulut, aux Juifs, aux princes, aux gouverneurs et aux juges qui commandaient aux 127 provinces du royaume, depuis les Indes jusqu'en Éthiopie, à chaque province et à chaque peuple dans sa langue et dans son écriture, et aux Juifs, afin qu'ils puissent lire et comprendre. Ces lettres, qui étaient envoyées au nom du roi, furent scellés de son anneau et expédiés par les courriers, afin que, parcourant toutes les provinces, ils prévinssent les anciennes lettres par ces nouveaux messages. Le roi leur ordonna d'aller trouver les Juifs en chaque ville et de leur prescrire de s'assembler pour défendre leur vie et pour tuer et exterminer tous leurs ennemis avec leurs femmes, leurs enfants et toutes leurs maisons, et pour piller leurs dépouilles. Et dans toutes les provinces, un même jour fut fixé pour la vengeance, savoir le 13e jour du 12e mois, appelé Adar. La substance de cette lettre était qu'on fit savoir dans toutes les provinces et aux peuples qui étaient soumis à l'empire du roi Assuérus que les Juifs étaient prêts à se venger de leurs ennemis. Et les courriers partirent en grande hâte, portant la nouvelle, et l'édit fut affiché dans Suse. Et Mardochée, sortant du palais et de la présence du roi, parut avec éclat dans ses vêtements royaux de couleur d'hyacinthe et de blanc, portant une couronne d'or sur la tête et couvert d'un manteau de soie et de pourpre. Et toute la ville fut transportée d'allégresse et de joie. Et sur les Juifs sembla se lever une nouvelle lumière, la joie, l'honneur et les transports. Parmi toutes les nations, dans les villes et les provinces où l'ordonnance du roi était portée, il y avait une joie extraordinaire, des banquets, des festins et des jours de fête, à ce point que plusieurs des autres nations et d'autres cultes embrassèrent leur religion et leurs cérémonies, car une grande terreur du non-juif s'était répandue sur tous. Fin du chapitre 8.